pour toi que je rêve, c'est pour nous et nous deux que je bois. Tu es là et c'est la vie qui m'enseigne que tu ne te ressembles pas. Tu es bas, aussi bas que je saigne de ce sang qui ne coule, coule plus pour toi. Tu es bas et tu vois où cela te mène quand tu ne te respectes pas. Tu es là et ma rage veut que tu crèves. Il y a un monde, oui un monde entre nos bras. Tu es là et je voudrais que tu te relèves, parce que ça c'est pas toi. Non, c'est plus toi. Take it smooth.